Voici votre bulletin régional. Le 4 janvier, de 17 à 23h30, est offert un thé des rois, un souper suivi d'une soirée dansante pour les membres de la FADOC de Bishopton au local du club. On doit se procurer ses billets à l'avance. L'Assemblée des filles d'Isabelle, cercle Saint-Louis, numéro 662 de Hastings, se tiendra au sous-sol de l'église de Saint-Louis le 5 janvier à 19h. À Hastings, c'est au courant de la semaine du 5 janvier qu'on fera la collecte des sapins de Noël.